premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la littérature de témoignages. Ce matin, notre invitée est donc l'historienne Judith Lioncamp. Cette semaine, nous allons nous intéresser dans la Fabrique de l'Histoire à la façon dont historiennes et historiens peuvent travailler avec des témoignages des époques révolues, que ce soit la première croisade ou bien encore le 19e siècle de la répression des républicains dans les basses Alpes du Second Empire. Et ce matin, eh bien, notre invitée est l'historienne Judith Lioncamp, spécialiste de littérature du 19e siècle. Elle vient de publier chez Gallimard « La griffe du temps, ce que l'histoire peut dire de la littérature » dans la collection Essai NRF. Et en même temps, elle est également spécialiste des savoirs du témoignage. Avec elle, nous allons tenter de comprendre ce qui lie l'écriture romanesque d'un côté et l'écriture de témoignage. D'ailleurs, sont-elles si différentes? Monsieur Balzac, je n'ai jamais lu vos romans. Monsieur Balzac, il paraît que vous avez beaucoup de talent. Le long de la Seine, faudrait que je me donne la peine d'acheter un de vos bouquins. Oh oui, faudrait bien. Monsieur Balzac, paraît que vous racontez la vie. Monsieur Balzac, comme si vous l'aviez créé, pardi. Le long de vos pages, comme dans une belle image, on retrouve toutes les couleurs, nos joies et nos malheurs. Alors, expliquez-moi un peu, pourquoi ça va jamais comme on veut, qu'on fait toujours ce qu'il faut pas faire, que l'on se crée tant de misère. Monsieur Balzac, là-haut du côté de Montparnasse, Monsieur Balzac, il y a votre statue sur une petite place. Vous avez l'air sévère, un peu comme mon bon frère. Lui, il n'écrit pas, il est trop lourd. Mais sa vie, ça ferait bien un prix Goncourt. Monsieur Balzac. Monsieur Balzac de Bourville, pour commencer cette émission avec vous, j'ai vous proposé celle-là. Merci beaucoup Emmanuel. Il faut surtout dire merci à notre réalisateur Thomas Duterre. Elle est formidable. Parce qu'en fait, quand on écoute cette chanson, eh bien, on se dit, on est au cœur du travail de Judith Lioncamp. Ah oui, oui, raconter la vie. Alors évidemment, il a une lecture que je dirais un peu. Si on voulait actualiser Bourville, il fait de la critique éthique, parce qu'il situe la littérature du côté des joies et des malheurs. Mmh. Les lecteurs de Balzac au XIXe siècle ont une lecture en partie de ce type, en effet, mais sont des joies et des malheurs qui sont inscrits dans l'histoire dont il est question. Alors Bourville a une lecture actualisée ou actualisante. Oui, ou atemporelle. Atemporelle, voilà. Et donc, vous avez votre travail est de justement remettre cette littérature dans son temps, d'essayer de comprendre ce qu'elle dit justement des événements du temps passé. Et vous l'avez fait avec Balzac, qui est un peu la matrice. Balzac et Eugène Sue de votre travail de thèse au tout départ, Judith Lioncamp, puis vous le faites aujourd'hui avec, dans la griffe du temps, Barbet d'Aurevilly, qui est votre troisième auteur fétiche du 19e siècle, il y en a bien d'autres d'ailleurs, pour essayer de comprendre justement ce que cette littérature, cette écriture nous dit du temps qui passe, qu'est-ce qu'elle nous dit justement de ce témoignage des temps passés, Judith Lioncamp. Disons que le travail d'historienne que j'essaye de faire consiste à remettre la littérature au cœur de l'expérience sociale des individus du passé. De pas la considérer simplement comme un document qui serait extérieur, un document difficile d'ailleurs à utiliser, on va y revenir, qui dirait des choses sur le passé, mais d'essayer de comprendre le rôle de la littérature comme pratique sociale, comme pratique d'écriture, comme pratique de lecture dans l'expérience des individus du passé du 19e siècle ou du 20e siècle en fonction de mes terrains de recherche. Et on est toujours en train de se dire, souvent, enfin, c'est avant de vous lire, que cette littérature n'a rien à voir avec l'expérience vécue, qu'elle est justement de la littérature et qu'en tant que littérature, eh bien, l'historien ou l'historienne ne peut pas véritablement s'en emparer, ce que vous faites vous-même avec La Griffe du Temps, par exemple, chez Gallimard. C'est ce que j'avais commencé à faire en travaillant en effet sur les lectures de Balzac et de Gensu au XIXe siècle, où là, justement, si on revient à Bourville comme lecteur de Balzac ou non-lecteur, ou lecteur possible de Balzac, ce qui se découvrait dans l'appropriation, des appropriations qui avaient été faites de ces romans, c'est la puissance de vérité dont ils étaient... Porteurs, en tout cas désignés par leurs lecteurs et leurs lectrices. Et à partir de là, j'ai voulu continuer l'enquête et la déplacer, disons, dans La Griffe du Temps, en m'attaquant non pas à des lecteurs ou à des lectures, mais en essayant de regarder un texte de littérature en son temps et en ses lieux aussi, dans le Paris du XIXe siècle, qui était une ville pleine de littérature à lire, à consommer, à regarder avec la littérature illustrée. Et donc tout mon travail consiste vraiment à remettre la littérature au cœur de l'expérience sociale. Et ce qui est effectivement délicat, c'est que souvent, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, eh bien, on se dit, si j'ai quelque chose à dire sur le Paris du XIXe siècle, je vais prendre le Père Goriot, ou je vais prendre un autre Les Illusions Perdues, je vais prendre un morceau de Balzac, et avec ce morceau de Balzac, je vais pouvoir expliquer ce qu'est la société du 19e siècle. C'est ça, c'est qu'il y a un paradoxe chez les historiens, qui d'un côté est souvent une sorte d'éloignement ou de méfiance à l'égard de ce qui relève dans le texte littéraire, de la fiction, de l'invention, de l'imagination, du style, enfin ça dépend des historiens, enfin tout ce qui relève de ce qu'on appelle la littérature. Et d'un autre côté, en particulier quand on est 19e-iste ou quand on travaille sur le 19e siècle, c'est très difficile de faire sans, dans la mesure où tout l'imaginaire même que nous avons du 19e siècle qui est constitué par la littérature. C'est-à-dire, on ne voit pas comment on penserait au Paris du 19e siècle ou à la petite ville de province au 19e siècle ou aux campagnes au 19e siècle sans convoquer Barbet, d'une manière ou d'une autre, Balzac, Georges Sand, Barbet d'Aurevilly, Eugène Sue, Zola. Donc cette présence de la littérature, pour nous, est un problème ou une question. Mais on peut la regarder aussi comme un terrain d'investigation possible qui serait une histoire de la transmission de la littérature et au-delà de cette histoire de la, ou en deçà de cette histoire de la transmission, de réfléchir au statut, au rôle, aux fonctions qu'avaient ces textes de littérature pour les lecteurs de leur temps. Et donc les formes de vérité, y compris face à des romans, donc les formes de vérité dont ils étaient accrédités par leurs lecteurs. Ce dont témoignent les lettres de lecteurs envoyées à Balzac et à Eugène Sue, sur lesquelles vous avez travaillé comme travail de thèse, Julie Dioncamp, qui se reconnaissent dans cette littérature, qui parfois disent mais c'est plus vrai que la vérité, c'est oui, moi. Oui, c'est-à-dire que ce qui était très frappant, et alors c'est là, ce qui précède immédiatement le travail de La Griffe du Temps, c'est que le fait que ce soit des fictions, ils en sont parfaitement conscients, ces lecteurs du 19e siècle. Ils savent bien que Vautrin est un personnage inventé. Et que Cosette... Mais dans la lecture de la fiction, par l'identification au personnage, mais surtout par la reconnaissance des situations, par le travail aussi qui est fait par les littératures eux-mêmes sur les types sociaux, il y a des formes de reconnaissance et d'identification qui font que ces lecteurs reconnaissent dans l'écriture de littérature une formulation de la vérité de l'expérience sociale. Voilà. Prennent pour un témoignage vécu ou comme un. Le terme de témoignage est un peu piégeux parce que c'est un terme très contemporain et qui a un peu envahi notre manière de désigner en fait tout ce qui fait vrai dans un texte dans un texte écrit. Bon. Donc le terme de témoignage est complètement anachronique pour le 19e siècle, mais en effet, il y a un effet de vérité qui passe par la fiction, par la construction du personnage, et ce qui s'est passé peut-être progressivement au 20e siècle, enfin même si c'est pas facile d'avoir une perspective comme ça linéaire, c'est que la vérité de la fiction, les formes de vérité de la fiction sont devenues peut-être moins importantes que des formes d'autres formes d'écriture qui ne passent pas par la fiction pour élaborer la vérité de l'expérience historique. Oui, on y viendra avec vous. Effectivement, les témoignages, par exemple, de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale au XXe siècle, que l'on prend effectivement comme les meilleures façons de s'approcher d'une vérité historique ou historienne dans ce domaine. Parlez-nous de l'effet Rogron. Qu'est-ce que l'effet Rogron que vous avez mis en ouverture de votre Griffe du temps, Judith Lioncan, ce que l'histoire peut dire de la littérature, parce que il y a ces lecteurs du 19e siècle qui se laissent berner volontairement par la lecture de Balzac ou de Genesu comme étant la vérité du 19e siècle, et puis il y a les lecteurs ou les lectrices du 20e siècle qui se laissent également berner volontairement ou qui confondent volontairement un personnage de fiction chez Balzac avec la vérité de ce qui se passait dans le milieu des marchands des Halles au 19e siècle. Alors j'ai appelé l'effet Rogron quelque chose qui partait de la lecture d'une page de la grande historienne de la bourgeoisie parisienne au 19e siècle, Adeline Domar, qui est une historienne du social qui travaille essentiellement dans les années 60 à partir donc de données d'archives notariales, inventaire après décès, contrat de mariage, donc qui fait l'inventaire des fortunes. Et puis, quand elle compose son récit, de temps en temps, au lieu d'aller chercher un exemple dans les archives, elle va piquer un exemple chez Balzac. Et donc, elle prenait l'exemple d'un marchand mercier qui est dans Pierrette de Balzac, qui s'appelle Rogron. Et qui vit rue Saint-Denis à l'époque. Qu'elle traite exactement comme un des personnages qu'elle trouve dans les archives notariales. Alors, la première réaction est une réaction de se dire, bon, elle est naïve, Adeline Domar, elle comprend pas que c'est pas la même chose, une fiction et une archive notariale. Bon, ce qui est incontestable, par ailleurs. En bon historien, il est peut-être nécessaire de pas toujours attribuer aux gens qui viennent avant nous plus de naïveté que nous n'en avons. Enfin, c'est un point de méthode, disons. Alors, la réflexion, en fait, qui vient après, c'est que Domar fait quelque chose que faisaient, en fait, les lecteurs du 19e siècle, c'est de reconnaître dans le personnage romanesque une puissance de vérité typique. Une vérité sociologique, en fait, ou sociographique, en tout cas, et sociologique. Et elle va donc chercher le type balzacien pour le mettre à côté de ces personnages qui viennent donc des archives notariales. Et donc, elle fait quelque chose qui est, en fait, complètement pris dans les expériences de lecture du 19e siècle, qui est de faire apparaître la vérité du type. Et ce que j'ai appelé l'effet Rogron, c'est l'emprise de cette écriture littéraire sur la recherche historique dans les lieux mêmes où, en principe, elle est le plus loin possible de la littérature. Et donc, ce que vous essayez de faire dans La Griffe du Temps, c'est de partir d'un texte de Barbey d'Aurevilly pour pouvoir réfléchir en historienne à la façon dont ce qu'on exclut du travail historien peut être réintégré dans ce travail historien. Qu'est-ce que peut faire une historienne comme vous d'un texte littéraire de Barbey d'Aurevilly sur le passage du temps, sur la vision du temps en particulier et de l'évolution d'une ville comme Paris, puisque dans ce texte, Barbey d'Aurevilly parle d'une période de sa jeunesse, des années 1830-1840, et il écrit ce texte dans les années 1870. Donc il y a aussi la question de la nostalgie, de la volonté de faire revivre par la littérature un Paris qui n'existe plus puisqu'Haussmann est passé par là. Ce qui m'a intéressé, j'ai voulu prendre un texte saturé de littérature, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était de m'affronter à quelque chose dont on ne puisse pas justement séparer ce qui relèverait d'une vérité documentaire d'un côté et de l'autre côté. Pas du Zola, quoi. Voilà, dont on pourrait, parce que Zola fait ce travail lui-même avec dans ses carnets, de constituer une documentation et ensuite de fabriquer une élaboration littéraire romanesque. Là, je voulais prendre quelque chose qui soit totalement saturé de littérature, où on puisse pas dire, il y a du documentaire évident là-dedans. Et m'intéresser donc à ce que c'est que ce petit morceau de littérature comme élément, disons, du paysage à la fois scripturaire et expérientiel d'un moment du 19e siècle. Et j'ai choisi cette nouvelle de Barbey d'Aurevilly, La vengeance d'une femme, qui est la dernière des Diaboliques, qui est publiée en 1874, parce que tout en étant une histoire de duchesse espagnole devenue prostituée par vengeance, ce qui rentre dans le programme des Diaboliques, il y a dans ce texte une très forte densité mémorielle, mais qui est complètement prise dans l'élaboration romanesque et stylistique. Vous voulez dire que Barbet se souvient et qu'il tente par la littérature de mettre ce souvenir en forme littéraire. Il se souvient d'une ville, donc le Paris à la fin du règne de Louis-Philippe, mais il ne se souvient pas seulement de la ville, il se souvient dans son écriture de la manière dont la littérature à ce moment-là a constitué Paris en grand texte à lire. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette nouvelle. Paris, c'est-à-dire capitale que du 19e siècle. Le Paris, capitale du 19e siècle, est écrit par Barbet de Revilly dans cette nouvelle, qui traverse par son écriture toute une série de strates de mise en écriture de la ville ou de mise en texte de la ville qui existait déjà. Donc c'est une sorte d'histoire, d'exercice historique à l'intérieur, dans la forme littéraire elle-même. Et il me semblait que c'était ça que pouvait apporter le regard historien sur le texte littéraire. Et c'est aussi ce que la littérature pouvait apporter à la compréhension de la ville du 19e siècle dans son rapport à l'écriture. Alors, ce qui est tout à fait passionnant, c'est qu'il y a désormais, dans le milieu universitaire, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, une pratique qui est la pratique de la HDR, l'habilitation à diriger des recherches, qui est composée de travaux originaux que l'on présente après sa thèse, donc des nouvelles écritures, et la griffe du temps en fait partie pour vous, Judith Lioncamp, mais aussi d'un petit mémoire, petit ou plus grand d'ailleurs, selon l'historienne ou l'historien qui s'y livre, de réflexion sur sa propre pratique, de là où on vient, de pourquoi on fait ce que l'on a fait, pourquoi on a composé, une sorte de mise en ligne de son propre travail. Certains de ses mémoires sont d'ailleurs publiés, par exemple aux publications de Paris 1, aux éditions de la Sorbonne, puisqu'il y a là matière à réflexion sur son propre travail d'historien, mais aussi pour les jeunes historiens de comprendre comment on est devenu historienne ou historien. Vous avez fait ce travail que vous allez présenter la semaine prochaine et il est extrêmement intéressant parce qu'il permet de recoller les morceaux d'une œuvre dont on se dit, mais tiens, pourquoi Judith Lioncamp, en parallèle de son travail sur l'histoire, la littérature, fait-elle des séminaires à l'École des hautes études en sciences sociales, puisque c'est là où vous travaillez, des séminaires sur les savoirs du témoignage, et cela depuis plusieurs années. Et vous nous expliquez dans ce travail personnel qu'il y a peut-être un lien justement entre ce travail des lecteurs, sur les lecteurs de Balzac et de Genesius au XIXe siècle, sur cette littérature du XIXe siècle, et puis votre travail sur les savoirs du témoignage. Il y a un lien fondamental dans la mesure où ce qui m'intéresse dans la partie de mon travail qui porte sur les savoirs du témoignage, c'est-à-dire le recours à l'écriture dans les grandes catastrophes du XXe siècle. Bon, je travaille essentiellement sur le témoignage de la Shoah, mais dans ce séminaire qui s'appelle « Savoir du témoignage », on travaille aussi avec des historiens ou des anthropologues ou des littéraires qui sont spécialistes d'autres moments de recours au témoignage. Ce qui nous intéresse dans ce séminaire, collectivement, c'est bien le fait que face à une situation catastrophique ou d'extrême violence, des individus prennent la plume ou le crayon souvent, l'expression est toujours fausse, prennent le crayon, prennent ce qu'ils ont à leur disposition, disons, et ont recours à l'écriture. Mais ont toujours recours à l'écriture dans des formes particulières. Alors, on a donné au cours du XXe siècle, surtout après la Première Guerre mondiale, à ce recours à l'écriture le nom et la forme du témoignage. C'est-à-dire, c'est progressivement constitué un corpus d'écrits qui avait des formes similaires, si bien d'ailleurs que les littéraires réfléchissent à la dimension générique de cette écriture, qui sont des textes qui ressemblent à des dépositions en justice, donc voilà, qui disent depuis et qui refusent, qui ont l'air de refuser toute forme de recours à la fiction et qu'on appelle témoignage. Donc on est pour moi très près de la réflexion que j'ai sur la littérature du XIXe siècle, puisque c'est bien la question du recours à l'écriture et des formes de présence de la littérature face à un événement historique qui est questionné ici. Ça veut donc dire que, et on le sait par exemple avec ces millions de lettres de la Première Guerre mondiale envoyées par les poilus à leurs femmes et par les femmes aux poilus ou leurs mères, et analysées par Clémentine Vidal-Naquet, il y a de la littérature dans cette écriture, parce que évidemment. En même temps que ces jeunes poilus ou leurs femmes ont fait leurs études à l'école primaire, ils ont lu Victor Hugo, ils ont lu Balzac, ils ont lu Zola, ils ont lu Lamartine. Et donc, dans cette littérature qui se veut une littérature de témoignage, eh bien, il y a effectivement des morceaux de littérature de fiction. D'abord, il y a... Pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, en ce moment d'ailleurs, il y a un énorme projet de recherche à l'université de Paris-Ouest qui s'appelle Poésie Grande Guerre. Il y a un recours à la forme poétique considérable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des lettres, il n'y a pas seulement des chroniques, il y a des poèmes, des quantités de poèmes. Certains sont publiés et des dizaines de milliers de poèmes n'ont jamais été publiés. Donc c'est vrai que ces cohortes alphabétisées qui sont passées par le système scolaire en France, en Allemagne, en Angleterre, donc dans toute l'Europe occidentale, qui sont passés par un système scolaire qui donnait à l'apprentissage et à la mémorisation aussi de la littérature, et d'une littérature souvent identifiée à la poésie et au roman. Ce sont les ressources scripturaires dont vont s'emparer ces milliers d'individus confrontés à l'expérience de l'éloignement, de la guerre, du froid, de la souffrance, etc., pour formuler ce qui leur arrive. Et là, ce qui est à disposition, c'est pour les uns Zola, pour les autres Lamartine, pour d'autres des formes de poésie plus avant-gardistes. Et donc, toute cette présence de la littérature dans la Grande Guerre est absolument fascinante. Mais évidemment, pour l'historienne que vous êtes, c'est un travail absolument gigantesque que de tenter de... Alors, ça n'est pas décortiqué, mais de retrouver justement cette intertextualité, cette façon de parler d'autre chose en parlant de ce dont on est censé témoigner, de l'offensive sur un front du côté de la Somme. Eh bien, on y remet autre chose qui vient d'un autre moment de l'histoire humaine, et en particulier du 19e siècle raconté par les littérateurs. Mais parce que notre expérience du temps est une expérience feuilletée. Enfin, tout un chacun est fait de temporalité, d'expérience du temps qui appartiennent à des durées différentes. Enfin, je suis une élève d'Alain Corbin et on sait ça très, très profondément. Mais oui, il y a un travail de décortiquage, de lecture rapprochée de ces écrits de la Grande Guerre ou des écrits de la Deuxième Guerre mondiale. Mais parce que c'est une manière de dire aussi que lorsqu'un poilu compose un poème de tranchée, il témoigne à la fois de son expérience, mais il témoigne aussi du geste même qui consiste à écrire et à recourir à une forme dans ce moment-là. Voilà. Donc c'est bien une attention au fait que le témoignage comme geste, comme forme de recours à l'écriture, fait partie de l'expérience historique et qu'on peut pas lire tel poème ou telle lettre uniquement pour son contenu, mais bien pour ce qu'il est en tant que tel, c'est-à-dire la trace d'un recours à l'écriture dans un moment qui peut être celui du repli, de l'attente, donc dans tous ces moments ces interstices de la guerre. Et donc, évidemment, ce feuilletage dont vous parliez, qui est si cher à Alain Corbin, ce feuilletage est présent dans ses écrits en question. Parlez-nous de Michel Borowicz, sur lequel vous travaillez, pour ces savoirs du témoignage liés à l'extermination des Juifs d'Europe, et en particulier en Pologne, du côté du ghetto de Varsovie. Qui est-il et pourquoi est-il important pour justement comprendre ce qu'est ce savoir du témoignage et ce qu'on peut appeler la littérature de témoignage? On en discutera. Alors Borowicz est né en Pologne en 1911 à Cracovie. C'était un poète, un critique littéraire, un dramaturge avant la guerre. Et il a été il était né à Cracovie. Il est parti, comme beaucoup, à l'est de la Pologne au moment de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Et donc, il a passé toute la guerre à Lvov. Il a été, donc après 41, enfermé dans le ghetto de Lvov, puis dans un camp qui était un camp à la fois de travail forcé et de mise à mort, le camp Janowski, donc à côté de Lvov. Et après la guerre, il a été responsable de la d'une de ces commissions historiques juives qui se sont établies sur le territoire polonais, où dans lesquelles les quelques milliers de survivants de la, ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah en Pologne ont essayé de recueillir des traces, de collecter des témoignages, et puis de commencer à éditer des premières études, des monographies sur ce qui s'était passé. Et Borowicz, qui était un homme de lettres à ce moment-là, a commencé à publier et à réfléchir sur la question du recours à la littérature dans les camps. Et donc, il écrit en polonais, en 1947, un livre qui s'appelle « Littérature au camp ». C'était un militant par ailleurs socialiste, donc il quitte la Pologne en 1947 et après avoir tenté de s'installer aux États-Unis, il s'installe à Paris et au début des années 50, il décide de tenter de faire une carrière universitaire à Paris et donc il s'inscrit en thèse à la Sorbonne avec Georges Gurvitch, le grand sociologue de l'époque. Et là, il écrit ce qui, en fait, dans l'historiographie française, constitue le premier livre sur les écrits des camps et des ghettos, qui est un livre qui est publié en 53 aux presses universitaires de France, qui s'appelle « Écrits des condamnés à mort sous l'occupation nazie », et qu'on trouve aujourd'hui en folio histoire, en livre de poche, et qui constitue donc une première tentative, une tentative en fait assez unique, surtout quand on pense que le livre a été publié dans les années 50, d'analyse de l'intense recours à l'écriture qui avait été celui notamment des juifs dans les ghettos et dans les camps. Mais le livre de Borowicz a une vocation beaucoup plus large puisqu'il s'intéresse aussi aux écrits du maquis et puis à d'autres formes de chroniques ou de mise en écriture de l'expérience de la guerre. Alors en 1983, 30 ans après avoir lancé ce grand travail sur les écrits et les témoignages pendant la guerre, eh bien Michel Borowicz est interrogé au micro de France Inter par Michel Barthélémy. Alors le 19 avril 1943, au matin, que se passe-t-il ? Au matin, les Allemands entrent dans le ghetto avec des chars, avec tout. Et tout d'un coup, ils sont acquis par la pluie de coups de feu. À ce point, le char est immobilisé. Or, le colonel von Sammern, qui conduisait cette première attaque, a couru à 7h30 du matin à l'hôtel où séjournait le général Stroop, en lui rapportant avec désespoir « Tout est perdu dans les ghettos, nous ne pouvons pas y entrer. » Puis, c'est le bombardement. À part ça, à partir du troisième jour, il y avait des lance-flammes. On a allumé, on a fait partout des incendies. Stroop écrit dans ses rapports lui-même « Hier, c'était une lueur rouge au-dessus du ghetto. Maintenant, c'est un océan de flammes. » Personne ne s'est rendu. On ne pouvait pas se rendre, vous savez. C'est-à-dire, les Allemands assuraient toujours qu'ils ne veulent pas exterminer, mais envoyer dans les camps de travail de Travniki. Mais alors, on savait déjà, c'est pour ça que l'insurrection avait eu lieu. On savait que c'est l'extermination et qu'on ne peut pas croire aux Allemands. Voilà donc un homme qui arrive en France, qui va servir, comme c'est souvent le cas, de passeur. D'une connaissance très faible de ce qui s'est passé en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va servir surtout de passeur pour dire ce qui s'est passé dans les ghettos et l'extermination des ghettos. Il parle du ghetto de Varsovie où il n'était pas, puisque au moment de l'insurrection du ghetto de Varsovie, il était caché donc sous une fausse identité. Enfin, il combattait dans l'armée Krajowa, dans l'armée de l'intérieur, dans un bataillon socialiste, sous une fausse identité donc non juive. Mais il était en contact avec certains des... Il a été constamment en contact avec la résistance du ghetto de Varsovie. Et puis après la liquidation du ghetto de Varsovie, de la poignée de survivants qui a continué à constituer le comité national juif clandestin dans la Varsovie dite aryenne. Donc il a été un témoin, pour le coup, très proche de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Alors donc, ce Michel Borowicz, vous travaillez sur lui parce qu'il vous semble important pour comprendre justement comment cet écrit, vous êtes parti de l'écrit du 19e siècle, des lecteurs de Balzac et de Gensu, cet écrit a forgé cette littérature de témoignage. Alors, c'est quoi la littérature de témoignage? Est-ce que c'est un bon thème, une bonne façon de dire ce qu'a été tout au long du XXe siècle par cette instruction massive qui a été donnée en particulier en Europe occidentale à des classes de jeunes garçons et de jeunes femmes qui leur a permis de s'exprimer par écrit. Est-ce que c'est une bonne façon de raconter justement comment on a témoigné des événements dramatiques en particulier du XXe siècle? Disons que le terme de littérature de témoignage a, je crois, pour avantage de ne pas décider d'avance dans quelle forme l'individu qui produit un texte témoigne de ce qu'il a vécu. Si on parle du genre testimonial, on ferme la focale et on décide finalement que ne relève du témoignage qu'un certain type d'écrit. Alors quand on parle de littérature de témoignage, il peut y avoir des poèmes qui sont des poèmes, les poèmes du ghetto de Varsovie, je pense aux poèmes de Schlengel, qui sont des poèmes que lui-même appelle des poèmes documents. Ou d'ailleurs des formes de recours à la fiction, puisque certains survivants de la Shoah ont écrit pour raconter ce qu'ils avaient vécu, ont écrit des romans, c'est-à-dire ont construit des personnages un peu dans une veine balzacienne qui consiste à créer des personnages types et donc à grouper un certain nombre d'éléments pertinents autour d'un nom. Alors ça marche plus ou moins bien. Et puis c'est vrai que notre attente a été beaucoup configurée par certains grands textes qui sont devenus des textes canoniques du témoignage, que ce soit Primo du côté Lévy. Français. Oui, alors Robert Antelme, L'espèce humaine, hein, dont Pérec a écrit en 1963 qu'il avait révolutionné le rapport à la vérité de la littérature. Ou évidemment le texte de Primo Levi, Si c'est un homme. Mais on sait bien que dans cette littérature de la guerre, ou d'autres, dans cette littérature de la guerre, de l'expérience de guerre ou de l'expérience concentrationnaire, il y a des formes de recours à l'écriture qui sont extrêmement variées. Chez Charlotte Delbault, par exemple, qui, elle, d'ailleurs, passe de la poésie au théâtre, et puis qui écrit aussi des textes qui sont plus sociologiques. Et comment s'y retrouver en tant qu'historienne et historien? Ce séminaire que vous faites à l'École des hautes études en sciences sociales tente justement, non pas de démêler les fils, parce que parfois ces fils sont tellement entremêlés qu'il est difficile de les démêler, mais néanmoins de se poser la question de ce que cette masse... Alors, on aurait tendance à dire une masse documentaire, mais est-ce que c'est véritablement une masse documentaire, cette masse d'écrits qui est propre au XXe siècle, et donc comment, qu'en faire en tant qu'historienne et historien? Il y a une histoire du rapport des historiens à cette masse documentaire, aussi bien pour la Première que pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu toute une période où la doxa historiographique était de dire qu'il fallait contourner ces masses justement de témoignages parce que elles empêchaient de faire de l'histoire, tout simplement parce que elles étaient trop chargées d'affect, de subjectivité, de partialité. Est-ce que quelqu'un qui a vécu et qui n'a donc qu'une expérience extrêmement partielle de l'événement a quelque chose d'intéressant à en dire? Et puis là-dessus, il y a évidemment les problèmes des déformations de la mémoire. Bon. Il me semble que la doxa historiographique a un peu évolué sur ce sujet, en particulier à la fin des années 90, lorsque Saulfrid Lenglet a écrit son grand livre, enfin son double grand livre qui s'appelle Les années de persécution puis Les années d'extermination, l'Allemagne nazie et les Juifs, dans lequel il a choisi volontairement de citer énormément de témoignages, c'est-à-dire de textes écrits pendant les événements. Hein. Fried Lenglet, lui, exclut effectivement tout ce qui relève du souvenir. Mais il cite énormément de textes écrits pendant les événements par des témoins, par des victimes, pour composer une sorte de tableau de ce qu'a été l'expérience de la Shoah. Et là, l'historiographie bouge. Hein, mais ce que Fried Lenglet ne fait pas, et ce qu'on essaye de proposer de faire dans ce séminaire et dans notre travail, ce que Fried Lenglet ne fait pas, c'est de considérer l'acte même d'écrire comme un élément des événements auxquels il s'intéresse. Il s'intéresse au contenu informationnel ou éventuellement émotionnel de ces écrits, mais le fait même du recours à l'écriture, en tant que tel, il ne le prend pas en compte. Chez Jan Gross, par exemple, dans les voisins ou dans ses travaux, donc sur le massacre de Jedwabne en Pologne en juin 1941, qui est un travail qui est parti de la relecture d'un texte de témoignage, le témoignage de Shmuel Wasserstein, il y a quelque chose qui va un petit peu plus loin, qui est une confiance faite à l'écriture du témoin, précisément à cause de l'importance du geste d'écrire, qui a été voilà celui d'écrire ou celui de témoigner ou celui de déposer. Voilà, donc c'est ça qu'on essaye dans ce séminaire de travailler. Et puis, vous nous avez présenté le travail de Michel Borowicz. Il faudrait peut-être présenter un autre travail essentiel pour comprendre justement cela. C'est celui d'Emmanuel Ringelblum, dont va nous parler dans un instant Michel Borowicz, puisqu'il était interrogé à la radio sur ce travail d'Emmanuel Ringelblum. Un historien qui veut documenter ce qui se passe justement pendant la Shoah en Pologne. Alors le travail de Borowicz est en fait complètement relève en fait du même contexte que l'entreprise des archives secrètes, enfin clandestines du ghetto de Varsovie, d'ailleurs dont il était parfaitement au courant puisqu'il a contribué lui-même à envoyer au Comité national juif clandestin, donc qui était dans lesquels étaient les survivants de l'équipe Ringelblum, dont Ringelblum lui-même d'ailleurs jusqu'à sa mort en mars 1944, a envoyé donc des poèmes, des textes qu'il pouvait collecter. Donc il y a cette grande entreprise chez dans une partie donc des combattants juifs dans les ghettos et dans les camps qui consiste à documenter par tous les moyens ce qui se passe. Et donc, chez Ringelblum, dans l'entreprise d'Oinek Chabes, donc des archives clandestines du ghetto de Varsovie, il y a cette idée écrivez, enfin, c'est cette injonction qui est faite d'écrire, écrivez. C'est pas témoigner, c'est écrivez. Écrivez, et ça peut passer par toutes les formes possibles. Donc, de la poésie au reportage, de l'enquête sociologique, comme il y en a, qui sont faites dans le ghetto de Varsovie, à la pièce de théâtre. Toutes les formes écrites témoignent. Et toutes les formes écrites témoignent, et on va les enterrer pour pouvoir témoigner. Voilà, constituer une archive pour plus tard. Un extrait donc de cet entretien donné par Michel Borowicz à la radio française à propos de ces archives. On a creusé une sorte de chemine à travers les ruines pour parvenir à cette cave. Je me rappelle même, il y avait des sceptiques qui disaient, alors on dépense tant, probablement, c'est de la propagande juive, il n'y a aucune archive, ce n'est pas possible. Il y avait des moments assez durs psychiquement, parce qu'on était entouré de sceptiques, alors ça coûtait beaucoup, bien entendu, beaucoup d'efforts, beaucoup. Mais enfin, on a parvenu à déterrer. Mais c'était seulement une partie. C'était, si je me rappelle bien, 10 caisses, c'est-à-dire 8 caisses dans une pièce, après dans la pièce avoisinante. Des caisses en fer. Oui, en fer. Mais pour récupérer les documents, c'est encore une autre affaire. C'est-à-dire l'eau s'est infiltrée à l'intérieur des boîtes. Alors ces documents sont collés. Alors on a coupé les parois et les boîtes. On a commencé à sécher feuille par feuille, ça dirait 2 semaines. Voilà ce que disait Michel Borowicz à propos de cette entreprise incroyable de déterrement des textes qui avaient été collectés, entre autres par Emmanuel Ringelblum et toute son équipe, donc dans le ghetto de Varsovie, pour pouvoir témoigner de ce qui s'était passé à l'intérieur de ce même ghetto. Et certaines de ces archives, vous les avez placées dans votre réflexion d'historienne, dans ce mémoire de HDR que vous appelez habilitation à diriger les recherches, faire de l'histoire avec la littérature un parcours. Alors justement, qu'est-ce que ces archives-là d'Emmanuel Ringelblum reproduites dans ce travail disent de cette littérature de témoignage et du travail que l'on peut mener en tant qu'historienne comme vous, Judith Lioncan, sur ces archives? Alors, il faut d'abord dire qu'à propos de ces archives, il y a un livre dont vous avez souvent parlé ici, mais qui est fondamental, qui est le livre de Samuel Kassoff, qui écrira notre histoire, qui est un livre magnifique et qui est vraiment une admirable de précision sur cette entreprise même des archives du ghetto de Varsovie et tout ce que je dis est s'appuie évidemment sur ce livre qui est fondamental. Mais évidemment, ce qui est très important dans le témoignage même des archives du ghetto de Varsovie, Borowicz là raconte quelque chose pour le coup auquel il a assisté, hein, puisque il était présent lors de la première excavation des archives, et il y a d'ailleurs un film d'actualité qui est tourné en Pologne où on le voit sortir de terre avec les archives. Ce qui est très important, c'est donc la pluralité des formes écrites qui ont été conservées, puisque Ringelblum a voulu conserver tout, et des poèmes, des journaux, des pièces de théâtre, tout ce qui témoignait aussi de l'intensité de la vie culturelle à l'intérieur du ghetto. Et donc, dans le texte que vous citez, je me suis en particulier arrêtée sur ces poèmes donc du poète polonais, enfin juif, mais qui écrit en polonais, Władysław Schlengel, hein, qui ont été traduits en partie par Jean-Yves Potel Ce que je lisais aux morts, qui était publié aux éditions Circé il y a quelques années. Mais tous les poèmes n'ont pas été traduits, et je me suis là, on s'est attelé avec un groupe d'étudiants polonais, que je remercie d'ailleurs à cette occasion, à traduire un certain nombre de poèmes qui sont vraiment des poèmes de l'expérience du ghetto. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre comment la forme poétique permettait d'inscrire vraiment cette expérience dans un lieu textuel extrêmement dense. Et alors ce poème, Le pain. Qui parle de la faim, en fait, du pain, il a cette caractéristique, c'est que, présent dans les archives Ringelblum, en tant que copie dactylographiée, d'ailleurs très abîmée, parce que ce dont parlait Borowicz à l'instant, ces archives étaient gonflées d'eau. Et donc, quand il a fallu les décoller les unes des autres, eh bien, il y a des lambeaux de papier qui sont partis. Donc, en tant que tel, le texte lui-même est une trace matérielle de l'expérience. Et puis, il y a cette trace textuelle qui m'intéresse dans ce poème. Oui, pourquoi parler la faim, mieux vaut la cacher, pourquoi causer du souci aux autres, pourquoi s'affliger. Aujourd'hui, mieux vaut se taire, ce que je fais justement, tant pis si tu as un poids sur ton estomac, la douleur pour toi, un visage souriant pour les autres, et même si parfois c'est difficile, c'est presque à travers les larmes. Souris mon frère, souris, car comme toi, les autres, vous devez survivre, il ne faut pas pleurer. Et alors voilà, là on touche à quelque chose que Borowicz permet d'analyser dans son travail français, les écrits des condamnés à mort, mais aussi dans ses écrits polonais. C'est ce que l'expérience là de la faim, mais aussi de l'internement, de la persécution, fait à la langue et au rapport à la langue. Et là, la langue devient l'archive même de l'expérience. Ce que Borowicz explique et ce qu'on entend ici, c'est qu'une expression, par exemple, comme le pain des larmes, qui est une métaphore poétique un peu tarte, bon, il faut le dire. Dans le moment de l'expérience du ghetto, cesse d'être une métaphore. Ouais. Elle devient la réalité même. Voilà. Et ça, qui peut, sinon un poète, et donc dans la poésie, saisir cette transformation de la métaphore. Et donc là, on est bien au cœur de ce qui, dans un texte de littérature, peut intéresser un historien en tant que témoignage d'une expérience dans la littérature. Et c'est ce que vous tentez de faire tout le temps, cet aller-retour justement entre littérature et littérature de témoignage, Julie Clioncamp, et ce qui dans ce travail que vous avez mené sur vous-même en tant qu'historienne pour la parution de votre personne devant un jury la semaine prochaine, donc cette habilitation à diriger des recherches, eh bien c'est de réfléchir par exemple à ce que écrit Jean Cayrol après la guerre. Jean Cayrol, grand écrivain dont on connaît les textes, et en particulier pour ce témoignage magnifique qu'il a écrit pour Nuit et brouillard. Jean Cayrol qui lui-même écrit sur Balzac, et pour vous c'est une façon de boucler la boucle. Alors Cayrol est bon par ailleurs un écrivain magnifique, mais justement ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit le scénario de Nuit et brouillard, il est connu pour ça, mais quand il rentre des camps, il n'écrit pas de témoignages. Il écrit des romans Donc il a d'ailleurs le prix Renaudot, je crois, en 1946 pour « Je vivrai l'amour des autres ». Il écrit des romans qu'il appelle des romans lazaréens, qui sont des romans de l'impossible retour ou de la difficulté du retour, et où l'expérience du camp est une expérience complètement nébuleuse, qui n'est jamais dite. Simplement, ces personnages sont des personnages qui reviennent comme de l'enfer ou d'un ailleurs, qui les rend absolument incapables de retourner dans la vie réelle. Et alors, ça, c'est vraiment un choix, justement, de passer par le roman pour dire quelque chose sur une expérience. Mais Kérol, un peu plus tard, est invité donc par Albert Béguin, au début des années 50, à participer à cette grande entreprise qui a été une entreprise de réédition de la comédie humaine par Albert Béguin, qui était un des grands spécialistes de Balzac, qui s'appelle donc L'œuvre de Balzac, préfacée par des écrivains contemporains, qui était une entreprise de réédition de la comédie humaine dans un ordre différent, donc dans un ordre de publication qui n'était pas celui qui avait été choisi par Balzac. Et Kérol donc propose de préfacer Illusion perdue. Et cette préface d'Illusion perdue, qui est un texte qui, moi, me touche, qui est un texte magnifique, évoque donc le retour de l'écrivain dans la maison Balzac. Balzac comme maison. Une maison, alors il parle évidemment de l'imprimerie, de l'escalier d'imprimerie Séchard au début d'Illusion perdue, mais c'est vraiment Balzac comme maison, la maison où l'on revient et où se renoue le rapport au sens et la possibilité d'une élaboration d'une vérité par l'écriture littéraire. Et donc, ça vous permet de boucler la boucle tout de même. Cette question de cette littérature de témoignage qui va être au cœur de notre série d'émissions à la Fabrique de l'Histoire n'est pas si évidente pour tout le monde. Vous avez été témoin et actrice, malgré vous, d'un moment très délicat, douloureux, dont on a parlé ici même à la Fabrique de l'Histoire avec Christophe Prochasson, le président de l'École des hautes études en sciences sociales. C'était un colloque que vous co-organisiez à l'École des hautes études en sciences sociales, Judith Lioncamp, sur l'avancée des recherches, pourrait-on dire, sur la Shoah en Pologne. Et vous avez été interrompu parce que, justement, la plupart de ces historiens et historiennes que vous invitiez ont été interrompus par des militants polonais, pour certains on imagine peut-être négateurs de la Shoah, mais en général qui contestaient les interprétations historiques de ces historiens et de ces historiennes, avec beaucoup de violence, ce qui veut dire que tout ce travail d'exhumation des témoignages, de travail de la littérature de témoignages, ne porte pas ses fruits auprès de tout le monde. Alors, on va rappeler cet épisode. Donc, à la fin du mois de février, à l'École des hautes études, il y avait donc ce colloque sur ce que nous avions appelé la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah, dont les actes vont être publiés probablement à la rentrée 2019 aux éditions du CNRS. Et on avait donc invité toute une série d'historiens polonais, dont Jan Gross, dont on parlait à l'instant, mais aussi d'autres comme Jacek Leociak ou Jan Grabowski, qui renouvelle donc la compréhension de ce qu'a été l'expérience, donc enfin les années d'occupation en Pologne, en s'intéressant notamment, mais pas uniquement, aux formes de présence, de collaboration, de participation de la population polonaise non juive à la persécution et à l'extermination des juifs. Et pour ce faire, d'ailleurs, cette école historiographique a énormément recours aux écrits de témoignages qui ont été produits pendant la guerre, type archives Ringelblum, ou dans l'immédiate après-guerre par les commissions historiques, et aussi, parce que ça on ne le sait pas assez, dans les innombrables procès qui ont eu lieu immédiatement après la guerre sur le territoire polonais pour fait de collaboration avec l'ennemi. Donc il y a des milliers de sources. C'est pas bon. Et toute cette nouvelle école, ces historiens polonais travaillent beaucoup là-dessus. Simplement, ça met le doigt sur des questions qui sont des questions extrêmement délicates et qui n'ont pas été véritablement publiquement ou pas suffisamment publiquement adressées en Pologne dans les dernières décennies, qui sont donc les formes de participation qui peuvent aller vraiment du fait de regarder ce qui se passe à des formes de participation beaucoup plus violentes et puis aussi d'appropriation des biens, parce que c'est quand même un événement qui a concerné 3 millions de personnes, donc des maisons, des terrains, des biens matériels de toutes sortes, du linge, de la vaisselle. Et alors, il y a eu une redistribution économique énorme. Voilà. Donc, toutes ces questions-là sont des questions qui sont extrêmement douloureuses et qui viennent directement taper, disons, dans le discours patriotique polonais que le gouvernement actuel, d'ailleurs, encourage énormément et qui est animé par des petits groupes d'activistes hein, qui se disent patriotes polonais et qui étaient là, donc, au mois de février à Paris pour dire et pour faire entendre à ces historiens que leur recherche ne relevait pas d'une historiographie bien entendue, mais simplement d'un point de vue qu'on pouvait contester. Et donc, vous avez dû faire face aux insultes, aux brouhahas nécessaires. Oui, aux menaces aussi. Et oui. aux menaces, donc, envers les uns, envers les unes et envers les autres, en l'occurrence. Mais néanmoins, le colloque a fini par se tenir, et donc les actes des colloques seront bientôt en ligne. Non, ils vont être publiés, donc normalement aux éditions du CNRS à la rentrée. Enfin, on espère qu'on aura réussi à terminer tout ça. Oui, parce qu'on a tenu avec les autres organisateurs, Claire Zahl, Kenneth Wiworka, Jean-Charles Chourek, Audrey Kichelewski, on a tenu vraiment à faire le plus vite possible, justement, pour traduire ces textes qui sont des textes très importants et les diffuser le plus largement possible puisque c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner à ce type d'intervention malvenue. Merci beaucoup Julie Gnoncan d'être venue en ouverture de cette série d'émissions consacrée aux témoignages et peut-être à la littérature de témoignages. Vous allez nous quitter pour un colloque auquel vous participez aujourd'hui à la Maison de la Recherche à Paris 3 sur désir, consentement et violence sexuelle au 19e. Et pour ceux qui s'intéressent, sachez qu'il y a aujourd'hui et demain à l'école des hautes études en sciences sociales dont vous êtes membre Judith Lioncan, deux grandes journées de travaux autour des états généraux de l'édition en sciences humaines et sociales et qu'il faut vous y rendre si vous vous intéressez justement aux questions de comment on édite aujourd'hui les sciences humaines et sociales, est-ce qu'on les édite en ligne, est-ce qu'on les édite avec des maisons d'édition soi-même, tout cela ça fait partie des débats qui auront lieu aujourd'hui et demain à l'école des hautes études en sciences sociales. Merci beaucoup Judith Lioncan. Merci Emmanuel Laurentin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Laurie Vachon était avec nous aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez participer également au groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Vous avez été nombreux à nous témoigner de votre affection. Donc, depuis trois jours, depuis que vous avez appris que je quittais la Fabrique de l'Histoire, mais vous pouvez donc continuer à discuter entre vous sur ce groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC, Fabrique FC, c'est l'adresse.